Et si je n'ose pas t'embrasser devant la comédie café, c'est parce que j'ai peur que tu me repousses et peur de pleurer. Et si je n'ose pas t'embrasser devant la comédie café, c'est parce que j'ai peur que tu me gifles et peur de déprimer. Et si je n'ose pas t'embrasser devant la comédie café, c'est parce que j'ai peur d'énerver les vigiles et de me faire virer.